Je m'en fous, tu dois partir. Allez, mais qu'est-ce que c'est pour l'histoire? Mais je, non, je ne comprends. Des vieux de Cantonio, les lignes belle. Mais yo le bilan est en revue le tempo na bonkete. Tu sais, yo français belé boy. Ah. Tu sais. Libala oyo, na balande ma kambo. Baninga boyo kaneli kambo. Ebe misinga motema. Tenge oyo piara salinga. Zambe. Nakoki kosala ye mabe ya pamba. Azuanga bomwana nazali pe na kelasi. Abe misima kelasi na ngai nyonso. Apresse, kakato banana. Ngai mwasi koya libala, kolia malamu te. Kolata se eteni ya elamba, tangwa nyonso, pasi na pasi. Nako mesa te ekitite, soni pena baninga. Soki nakanga kimotema, kakase koya kuli. Je m'en fous, tu dois partir. Et là, son immobilier paye un sika à maman. D'accord, là, il est paye bon. A la binanga, yo madame Nanga. Je m'en fous, tu dois partir. Kalisi. nga feli na zangile na mobali e komeli nga esoni mwaye ya kobima te tata.